vient de commencer, séquence caressée. Et tu me dis, Frankie, faut pas cesser. Encore foutre à dents, c'est ça qui est important. Laisse-moi promener mes mains de petit malin. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles. Bravo, Frankie. Je sens tes groseilles. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles. Bravo, Frankie. C'est du savon de Marseille. C'est ça. Tu passes tes mains câlines, pas de poils sur ma poitrine. Tu approches ta bouche féline, attends-moi pour que j'urine. Mon zizi délicieux est peut-être vicieux. Je deviens tout puissant dans ce lit excitant. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles. Bravo, Frankie. Je sens tes groseilles. Alice, ça glisse. Au pays des merveilles. Bravo, Frankie. C'est du savon de Marseille. Mais manger sinon bon, j'ai beaucoup de charme, les femmes s'enflamment. Quand Alice a tel orgasme, fait pas comme toutes les dames. Elle ne gémit pas, préfère tousser. C'est un vrai sex symbole. Mais manger sinon bon, j'ai beaucoup de charme, les femmes s'enflamment. Quand Alice a tel orgasme, fait pas comme toutes les dames. Elle ne gémit pas, préfère tousser. Sweet, sweet, sweet. Alice glisse.